بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous informe que c'est lui qui accorde des filles à qui il veut. Et également, il accorde des garçons à qui il veut. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Et également, il accorde aussi bien des garçons et des filles à la fois à qui il veut. Et certaines personnes n'ont pas d'enfants. Donc, le croyant ne doit pas se chagriner. Donc, ne t'attriste pas. Ne te chagrine pas si tu n'as pas d'enfants. Car il y a une hikmah, il y a une sagesse. Le cœur du croyant doit être apaisé par ce qu'Allah Azzawajal a décrété. Car tout ce qu'Allah décrète est selon son ilm et sa hikmah. Tout ce qu'Allah décrète est selon sa science et sa sagesse, même si nous, on peut l'ignorer. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun » Allah sait et vous, vous ne savez pas. Sofiane Thouri a dit « Man'u ata » Man'a, c'est le fait de priver. Sofiane Thouri a dit « Lorsqu'Allah Azza wa Jal prive le croyant de quelque chose, eh bien, en fait, il lui a accordé un bien. » L'imam Ibn al-Qayyim a dit en commentaire de cette parole-là قال الإمام ابن القيم المنع عطاء وإن كان في سورة المنع. Ibn al-Qayyim a expliqué que lorsqu'Allah Azza wa Jal prive le croyant de quelque chose, il lui a accordé quelque chose, il lui a accordé un bien, même si c'est en apparence une privation. ونعمة وإن كان في سورة منحة. Il a dit également que lorsqu'Allah prive le croyant de quelque chose, eh bien c'est une ni'ma, c'est un bienfait, même si en apparence c'est une épreuve. Donc nous, comme on l'a dit, on peut ignorer la sagesse, mais il y en a une. Et sachez que les enfants sont une responsabilité. Il est obligatoire de se montrer garant de cette amana, de cette responsabilité, en les éduquant de la bonne manière. Le premier point sur lequel on va attirer l'attention est le fait de ne pas négliger l'éducation. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فَقَدْ أَسَاءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الْإِسَاءَ Ibn al-Qayyim a dit que celui qui néglige d'enseigner à son enfant ce qui lui est profitable et bénéfique et le délaisse, lui a causé un très grand préjudice. ثُمَّ قَالْ وَأَكْثَرُ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قِبَلِ الْأَبَاءِ وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ وَالتَّرْكِ تَعْلِيمِهِمْ فَرَائِدِ الدِّينِ وَسُنَنِهِ Puis Ibn al-Qayyim a expliqué que la faute de la corruption des enfants revient souvent aux parents, qui n'enseignent pas les obligations de ce dîn-là à leurs enfants. Donc sachez que l'éducation et la responsabilité des parents ne se limitent pas au logement, à la nourriture, aux vêtements ou autres. Toutes ces choses-là sont nécessaires, mais pas suffisantes. Par exemple, les parents vont se plaindre que l'enfant n'écoute pas. Ils vont dire « j'ai un enfant qui n'écoute pas, qui n'obéit pas ». On dit à ce parent-là, si tu lui avais appris quel est le haqq d'Allah, quel est le droit d'Allah sur lui, eh bien ton enfant aurait su que ses parents ont un droit sur lui. Et il se comporterait de la meilleure des façons, de la meilleure des manières avec ses parents. Donc la personne vertueuse est celle qui respecte aussi bien le droit d'Allah que le droit des gens. Et il ne faut pas oublier la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. Prophète alayhi salatu wassalam a dit que chacun était un berger et chacun est responsable de son troupeau. Puis il a expliqué que le père est un berger et son troupeau est sa famille. Également la mère est un berger et son troupeau est son foyer. Ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc l'enfant est comme un mouton. Imaginez un troupeau de moutons entouré de loups. Que se passe-t-il si on laisse ce troupeau-là sans vigilance, sans surveillance? Eh bien, les loups vont dévorer les moutons. Eh bien, l'enfant est comme un mouton. Si on le laisse sans vigilance, il va se faire prendre, aussi bien par la dunya que par les tentations, les mauvaises fréquentations et autres. Donc, il nous faut connaître la façon d'éduquer les enfants, car on peut commettre certaines erreurs à cause de l'ignorance qui vont causer du tort, aussi bien aux enfants qu'à nous-mêmes. Donc il faut éduquer selon notre balance qui est le Coran et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc dans cet audio, on va voir certaines erreurs à éviter. Mais avant de commencer, on va citer Sifat al-Murabbi. Sachez que celui qui veut bien éduquer son enfant doit avoir certaines caractéristiques. La première de ces caractéristiques est l'ilm. Celui qui veut bien éduquer ses enfants doit avoir la science. Et la science désignée ici est la science du Coran et de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc celui-ci doit posséder les bases qu'il est obligatoire à chacun de connaître. On ne lui demande pas de tout connaître, mais d'avoir les bases obligatoires à chacun de connaître pour pouvoir leur enseigner comment adorer Allah, les bases de la aqida, de la croyance, leur enseigner à accomplir la salat, le siyam, comment se comporter avec les proches, les voisins, les étrangers, ne pas mentir, le haya, la pudeur, aider les pauvres, etc. Donc, il faut savoir comment se comporter le prophète, alayhi salat wa salam, pour enseigner cela. La deuxième caractéristique est l'amana. Il faut que les parents ressentent cette immense responsabilité qu'ils ont, qui est l'éducation des enfants. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit dans son hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, « Ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iyya, yamutu yawma yamut, wa huwa ghashun li ra'iyyati, illa harram Allahu alayhi al-jannah. » Le prophète a dit que quiconque à qui Allah azawajal a accordé une responsabilité et que cette personne-là trompe ceux dont il est responsable, qu'il n'accomplit pas son devoir envers eux, eh bien, Allah Azzawajal lui interdit le paradis s'il meurt dans cet état-là. Donc, c'est une grave menace de châtiment. Donc, il faut faire très attention. Les parents doivent faire de leur mieux pour montrer l'exemple, aussi bien dans leurs actes d'adoration que dans leur comportement, leurs relations avec les proches, les voisins, les étrangers et autres. La troisième des caractéristiques est al-quwwa. Al-quwwa mu'amu signifie la force. Donc cela signifie que le parent doit avoir la supériorité physique, morale et comportementale. Quand l'enfant est jeune, cela est facile. Le parent a la supériorité sur son enfant, la supériorité physique. Mais quand le jeune grandit, cela devient moins évident. Et sachez qu'il y a certaines choses qui rabaissent cette autorité parentale. On va donner un exemple. Par exemple, lorsque les parents divergent devant l'enfant. Sachez que lorsque les parents divergent devant l'enfant, eh bien cela crée une brèche et l'enfant en profite. Il va en profiter et il va se mettre du côté du parent qui l'arrange. Donc par exemple, si on a un parent qui suit l'enfant, qui veille à lui, qui regarde est-ce qu'il fait ses salats à l'heure, qui l'encourage et autres, eh bien l'autre parent va lui dire « tu es trop dur, tu es trop sévère ». Et ça, c'est une erreur, car cela diminue l'autorité parentale. Et ça cause beaucoup de mal, aussi bien aux enfants qu'au sein du couple. Cela détruit le travail de l'autre parent. Donc sachez que cela n'est pas de la dureté. C'est plutôt l'autre parent qui est laxiste et qui devra en rendre des comptes. Donc aussi bien le père et la mère sont concernés par l'éducation des enfants. Il faut marcher dans le même sens, s'entraider mutuellement. La caractéristique suivante est l'adl. L'adl signifie l'équité. Sachez qu'il faut être équitable envers nos enfants dans toutes choses, aussi bien dans nos relations que dans nos dépenses, également lorsqu'on les punit. Donc il faut les traiter avec équité et justice. Il ne faut pas favoriser un enfant au détriment d'un autre. Dans ce hadith, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu a dit qu'un jour son père lui avait donné de l'argent. Donc Nu'man ibn Bashir l'a dit à sa mère et sa mère lui a dit « Va questionner le prophète alayhi salatu wasalam à ce sujet-là ». Ils sont partis voir le prophète, c'est-à-dire Nu'man ibn Bashir et son père. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit « Afa'alta hadha biwaladi kullihim ». Il a dit au père « Est-ce que tu as fait la même chose avec tous tes enfants ?» Le père répondit « Non ». Bon, alors le prophète a dit « Ittaqullah wa'adilu bayna wuladikum ». Il lui a dit « Craignez Allah et soyez équitable envers vos enfants. » Puis le prophète lui a demandé de récupérer l'argent. Donc il faut veiller à être équitable envers nos enfants pour ne pas qu'ils ressentent un sentiment d'injustice. La caractéristique suivante est l'hirs, c'est-à-dire que les parents doivent veiller au bien de l'enfant. Et cela se traduit par certaines choses. Par exemple, dua, les invocations. Les parents doivent invoquer en faveur de leurs enfants. On en a un exemple avec le prophète Zakaria, alayhi salatu wasalam. Qala Allah ta'ala, hunanika da'a Zakaria rabba, qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan tayyibah. Donc Allah Azzawajal nous informe que Zachariah l'a invoqué en lui demandant une descendance tayyiba, c'est-à-dire une descendance pieuse et vertueuse. Donc remarquez bien qu'ici, il a précisé, il ne s'est pas contenté de demander une descendance, il a dit une descendance tayyiba, vertueuse. Donc parmi les erreurs est le fait que les parents demandent à Allah un enfant, disent Allah marzoukni waladan. Non, précise, rajoute, waladan salihan, un enfant pieux, vertueux, car ce sont les enfants vertueux qui te profiteront. Et sachez que les invocations des parents envers les enfants sont exaucées. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wasalam, a mis en garde contre le fait d'invoquer contre les enfants. Car il se peut que le parent invoque contre son enfant et que cela concorde avec un moment où Allah Azzawajal exauce les invocations. Et dans ce cas-là, eh bien, l'enfant subira et également le parent sera triste. Il en subira les conséquences. La caractéristique suivante est as-salah, c'est-à-dire la piété. Sachez que as-salah, la piété des parents, influe sur la piété de l'enfant. Donc, les parents doivent être un modèle de piété et cela va influer sur l'enfant. La caractéristique suivante est sidq, la véracité. Il faut faire preuve de véracité aussi bien dans nos actes que dans nos paroles. Et enfin, la dernière caractéristique est al-hikma, c'est-à-dire la sagesse. Lorsqu'on éduque nos enfants, il faut agir de la meilleure des façons. Il faut le faire de la meilleure des manières. On passe maintenant à certaines erreurs dans l'éducation des enfants. La première des erreurs qu'on va voir est khashiyatunnas, c'est-à-dire la crainte des gens. Sachez que beaucoup de personnes oublient muraqabat Allah. Muraqabat Allah signifie le fait qu'Allah te voit, t'entend, sait tout ce que tu fais. Donc beaucoup de gens oublient muraqabat Allah et sa crainte et vont se préoccuper seulement de la crainte des gens et du regard des autres. Pourquoi? Car depuis tout petit, l'enfant a été éduqué à faire et délaisser des choses pour satisfaire les gens, de façon à se faire aimer d'eux et complimenter, et de peur à ce que les gens ne les détestent. Donc, par exemple, en disant à l'enfant, fais telle chose et les gens t'aimeront, ou que va-t-on dire si tu fais ça? Eh bien, cette façon de faire va faire naître, même sans s'en rendre compte, ria, l'ostentation, qui consiste à œuvrer au vu des gens pour se faire complimenter. Et donc l'enfant va faire et dire des choses qui correspondent aux envies des gens, sans se préoccuper de l'agrément d'Allah. Donc attention ici, on ne dit pas qu'il ne faut aucunement prêter attention à ce que les gens disent. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est dans la nature de la personne de ne pas aimer se faire critiquer. Mais on dit de ne pas se préoccuper juste du regard des gens en oubliant muraqabat Allah Azza wa Jal. Et les conséquences seront que l'enfant aura du mal à délaisser cet acte s'il n'est pas conforme à la vérité. Et également, l'enfant va agir en présence des gens, sinon, eh bien, il va négliger. Donc, par exemple, la salat. Si les gens le regardent, s'il se trouve avec des gens, eh bien, l'enfant va accomplir la salat. Mais s'il se retrouve seul, il va négliger la salat. Pire, il ne va pas accomplir la salat. Pourquoi? Parce que les gens ne le voient pas. Il s'est accoutumé au regard des autres. Donc, vu que personne ne le voit, il n'accomplira pas la salat. Et ça, c'est une erreur. Donc, il faut l'accoutumer à muraqabat Allah. Qu'Allah Azza wa Jal, au sujet des munafiqun, des hypocrites, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. Allah Azza wa Jal nous informe que lorsque les hypocrites, les munafiqun, se lèvent pour accomplir la salat, ils l'accomplissent avec paresse et ria, avec ostentation. L'imam Ibn Kathir a dit en commentaire de ce verset, Yura'un an-nas et il est ikhlas lahum. Il a expliqué que les hypocrites n'ont pas d'ikhlas. Ils n'œuvrent pas pour Allah, mais pour les gens. Donc il faut ressentir cette immense responsabilité en inculquant aux enfants muraqabat Allah, que ce soit en public ou lorsqu'ils sont seuls, et œuvrer exclusivement pour Allah en cherchant son agrément. Dans ce hadith de Aïcha, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radiallahu anha. Le prophète a dit que celui qui recherche l'agrément d'Allah en faisant quelque chose qui provoque la colère des gens, eh bien, Allah azawajal sera satisfait de lui. Bien mieux, Allah Azza wa Jal va faire que même les gens seront satisfaits de lui. Et celui qui cherche à obtenir l'agrément des gens en faisant quelque chose qui provoque la colère d'Allah Azza wa Jal, sakatallah alayhi. Eh bien, il obtiendra la colère d'Allah Azza wa Jal. Wa asqata alayhi an-nas. Bien pire, Allah Azza wa Jal va faire que même les gens ne seront pas satisfaits de lui. Ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc ce hadith nous apprend à œuvrer exclusivement pour Allah et à rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit dans son commentaire de Kitab Tawhid: وظاهر هذا الحديث العموم حتى لو كان الناس من أبويك. Il explique que ce hadith-là est général, même si ces personnes-là sont tes parents. Si tu cherches à faire quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jal, une obligation qui plaît à Allah Azza wa Jal, et que tes parents ne sont pas d'accord, eh bien tu dois la faire quand même. Donc par exemple, si tu es une sœur et que tu veux porter le hijab, et que tes parents ne sont pas d'accord, qu'ils ne comprennent pas, ils disent par exemple, comment vas-tu faire tes études ? Comment vas-tu pour trouver du travail ou autre ? Eh bien, tu le fais quand même. Et au final, Inch'Allah, avec de la patience, même tes parents seront satisfaits de toi, Inch'Allah. Puis, Cheikh Ibn Uthaymeen a posé cette question-là. لو قالت لك أمك لا تزور أخوالك. Si ta mère te dit ne visite pas tes oncles. Vous savez, parfois, il y a des problèmes dans la famille. Il y a des problèmes entre les frères et les sœurs. Donc, il se peut que le père ou la mère dise à son enfant « Tu ne vas pas visiter tes oncles et tes tantes. » Donc, que fais-tu si ta mère te dit « Ne visite pas tes oncles. » Est-ce que tu lui obéis ou pas ? Le Cheikh Ibn Uthaymeen a dit en réponse « قال يزورهم. » Il a dit non, tu dois les visiter. « لأن زيارتهم من صلة الرحم. » Il explique pourquoi. Car le fait d'aller les visiter fait partie de silat ar-rahim, c'est-à-dire du fait d'entretenir les liens de parenté. Wa silat ar-rahim mimma yurdillah. Et le fait d'entretenir les liens de parenté est quelque chose qui plaît à Allah Azza wa Jal. Donc même si ta mère n'est pas contente, tu vas aller visiter tes oncles et tes tantes. Tu utilises la hikmah, tu le fais de la meilleure des manières, mais tu vas les visiter. Et souvent, cela est dû à l'ignorance. Les gens ne savent pas comment réagir, donc ils coupent les liens de parenté. S'ils savaient que c'est un grand péché, car le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « La yadkhul al-janna qati'. » Celui qui rompt les liens de parenté n'entre pas au paradis. Donc c'est un très grand péché. Donc il faut faire attention à ne pas rompre les liens de parenté. Donc s'ils savaient cela, eh bien, il n'agirait pas peut-être de la sorte. C'est pour ça qu'il faut apprendre son dîn et agir de la meilleure des façons et être un exemple pour les parents, pour leur montrer la vraie manière d'agir. La deuxième erreur dans l'éducation des enfants est nisyan al-ghaya wa ithar ad-dunya wa ihmal al-akhirah. C'est le fait d'oublier le réel but de la vie et privilégier ce bas monde en négligeant l'au-delà. Certains ne savent pas quel est le réel but de leur vie. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa ma khalaqtu al-jinna wal-ins illa liya'budun. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Or, depuis tout petit, à cause du fait de s'accrocher à cette dunya et d'omettre l'akhirah, eh bien certains parents veillent à la dunya, au bas monde de leur enfant, et négligent leur futur certain qui est l'akhira. Donc ils ne voient que les diplômes, ne voient que le travail, les voitures, les maisons. Toutes ces choses-là sont des moyens et ils négligent le réel objectif qui est d'adorer Allah Azza wa Jal. Ces moyens-là sont devenus leur objectif. Que ce soit les études, le travail, gagner de l'argent ou autre, sachez que tout cela n'est pas une fin en soi. Ces biens doivent nous permettre d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc ces parents déploient leurs efforts pour faire réussir leur enfant à l'école. Ils vont lui faire faire des cours privés, ils sont même prêts à l'envoyer à l'étranger pour faire ses études, mais ils vont négliger le dîn de l'enfant. Et si tu discutes avec ce parent-là, il va te dire « Oui, mais mon enfant a un examen, il a une épreuve de fin d'année. » Eh bien, on dit à ce parent-là « Et que fais-tu de l'épreuve que chacun d'entre nous va passer ?» Que fais-tu de l'épreuve de la tombe ? Chacun de nous va passer l'épreuve de la tombe. Lorsqu'on va se retrouver seul dans notre tombe et qu'on se fera questionner « Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk ?» Quel est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et quel est ton prophète ? Donc, que fais-tu à ton enfant pour réussir cette épreuve-là. Ton enfant passe 6 heures, 7 heures de cours par jour. Il revient, il fait ses devoirs, plus des cours de soutien. Mais pour l'ordine, ô toi parent, quel temps consacres-tu à tes enfants pour réussir cette épreuve-là? Quels efforts consacres-tu, quels efforts déploies-tu pour qu'ils réussissent l'épreuve de la tombe, l'épreuve qui attend chacun d'entre nous? Donc certains parents réveillent leur enfant tous les jours, ils l'envoient à l'école. Il se peut que son enfant soit malade, il lui dit « tu vas quand même à l'école ». Mais est-ce qu'ils vont le réveiller pour accomplir la salat? Est-ce qu'ils vont lui dire d'accomplir salat à l'heure? Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit au sujet de celui qui ne s'était pas réveillé à salat al-fajr, « Bal al-shaytan fi udhuni », il a informé que shaytan a uriné dans l'oreille de celui qui ne s'était pas réveillé pour accomplir la salat du fajr. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha ». Le prophète a dit que les deux rak'as du Fajr sont meilleurs que ce bas monde et que tout ce qu'il contient. Imaginez ce bas monde avec toutes ses richesses, avec l'or, l'argent, les immeubles, les voitures et autres. Eh bien, les deux rak'as du Fajr sont meilleurs que ce bas monde et que tout ce qu'il contient. Mais comme on l'a dit, c'est Da'f al-Yaqin. C'est la faible certitude aux textes qui nous ont été révélés. Également, les parents ne vont pas dire à l'enfant d'accomplir salat à l'heure. Par exemple, l'asr, alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Man taraka salat al-asr, faqad habita amalu ». Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Le prophète a dit que celui qui délaisse salat al-asr, eh bien ses œuvres deviennent vaines. Subhanallah. Si on dit à l'enfant « si tu ne fais pas tel devoir, tu vas avoir une mauvaise note, tu vas avoir un zéro », est-ce que l'enfant va le faire? Il va le faire. Si on dit à ce parent-là également, si tu ne fais pas telle ou telle chose, tu ne seras pas payé de la journée, est-ce qu'il va le faire? Il va le faire. Que dire ici? Celui qui rate salat al-asr, ses œuvres sont réduites à néant. A'yadhan billah. Donc, comme on l'a dit, c'est la faiblesse de foi et de yaqin et de certitude aux preuves qui nous ont été révélées. Et les parents sont fautifs. Et certains parents ne disent pas, par exemple, à leur enfant d'accomplir certaines obligations, comme on l'a dit, salat, surtout salat al-fajr. Et si tu leur poses la question, ils vont dire « oui, mais moi, c'est par rahma, c'est par compassion, je n'ose pas réveiller mon enfant, il est en train de dormir ». On lui dit « non, ce n'est pas de la compassion. La compassion, c'est de l'habituer à accomplir ses adorations à l'heure ». Et comme l'ont dit les savants, si l'enfant ne s'habitue pas jeune à accomplir ses ibadat, et bien après 10 ans, et bien thaqulat alayhi, cela devient quelque chose de lourd, de pénible. Donc il faut s'habituer jeune. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wasalam a dit alni musabi salat ibn sab'a sinin, apprenez à vos enfants à accomplir la salat à 7 ans. Wadribu alayhi ibn 10, et à partir de 10 ans, s'ils négligent la salat, alors corrigez-les. Et les conséquences seront que cela va produire des membres dans la société qui sont matérialistes. Et vu que leur but est les biens de ce bas monde et cette dunya, eh bien, certains seront prêts à tout, même à frauder, à corrompre avec de la réchoua, des pots de vin et autres. Et certains parents sont prêts à donner des prénoms, comme on dit, qui sonnent bien, pour que l'enfant trouve du travail. Et vous en avez sûrement des exemples dans votre entourage, que ce soit Rihanna, Kellyanne, Marie et autres. Donc nous, on ne dit pas de négliger les études, mais on dit ne considère pas la réussite scolaire de ton enfant comme étant le critère qui détermine sa droiture, sa réussite et son bonheur. C'est sa taqwa, c'est sa piété. Combien de personnes ont fait de longues études alors que ce sont des laïcs, ils ont des pensées laïques, ils ne connaissent même pas Allah Azza wa Jal. Et sachez que l'enfant va rechercher cela de façon naturelle, c'est-à-dire les choses de cette dunya, les choses de ce bas monde, ses richesses. Donc ce n'est pas la peine de lui en rajouter. Et certains vont prétendre qu'en mettant en avant l'au-delà, eh bien, l'enfant va négliger la dunya. Or cela est totalement faux. Au contraire, l'enfant salih, l'enfant vertueux, sera celui qui va s'occuper du mieux possible des tâches qu'on lui confie. Ce sera quelqu'un qui est digne de confiance. Pourquoi? Car il garde en tête qu'Allah Azza wa Jal le voit avant que les gens ne le voient. Par exemple, les employés. Alors souvent, lorsque l'employeur est présent, lorsque le patron est là, eh bien, les employés travaillent. Et dès que le patron part, eh bien, les employés négligent leur travail. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que les gens se sont accoutumés au regard des autres. Je travaille si mon patron est là, et si mon patron n'est pas là, je néglige mon travail ou carrément je ne travaille pas. Or, celui qui garde en tête qu'Allah Azzawajal le voit, eh bien, sera sérieux. Que son patron soit là ou pas, il sera sérieux. Que dire lorsqu'il y a de l'argent en jeu? Par exemple, ceux qui travaillent à la caisse ou lorsqu'il y a des associés et qu'il y a de l'argent en jeu. Il faut de la confiance. Combien de personnes travaillent à la caisse et volent dans la caisse? C'est pour ça qu'il est très difficile de trouver des gens de confiance. Donc, comme on l'a dit, celui qui est vertueux, que son patron soit là ou pas, ne volera pas dans la caisse. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal le voit, même si son patron ne le voit pas. La troisième erreur dans l'éducation des enfants est tanaqud al-qudwa. Tanaqud al-qudwa, c'est-à-dire les contradictions de celui qui est censé montrer l'exemple. Sachez que l'enfant s'inspire tout premièrement des parents. Il imite les parents. Or, si le parent ordonne à l'enfant, par exemple, de ne pas mentir et ment lui-même, ou de ne pas voler et vole lui-même, eh bien, il va se contredire. Et cela va le discréditer aux yeux de l'enfant. Sa parole n'aura plus de poids. Elle n'aura plus d'impact sur l'enfant. Quand Allah Ta'ala أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Comment se fait-il que vous demandez aux gens d'accomplir le bien alors que vous vous oubliez vous-même? Également, le fait de leur apprendre, par exemple, à mentir. On va donner un exemple. Parfois, le téléphone sonne et l'enfant répond et le parent dit « Dis-lui que je ne suis pas là » ou « Dis-lui que je suis malade ». Ça, c'est une erreur. Le parent est en train d'apprendre à l'enfant à mentir et l'enfant va imiter le parent et le parent est fautif. La quatrième erreur dans l'éducation des enfants est sukhriya, le fait de se moquer. Certains se moquent d'autres personnes et cela influe sur l'enfant qui les imite. Par exemple, certains se moquent de ceux qui n'ont pas de vêtements de marque. Pourquoi? À cause de l'influence de la société. Tu n'as pas de marque, eh bien, tu n'es pas digne de considération. Or, cela fait naître le kibr, l'orgueil, l'arrogance. Donc, il faut faire très attention à cela. Il faut plutôt les éduquer en leur inculquant la vraie balance de la noblesse et de l'honneur qui sont at-taqwa. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, « Inna akaramakum indallah atqakum ». Le plus noble d'entre vous pour Allah est celui qui le craint le plus, celui qui a le plus de taqwa. Donc, ce n'est pas ta couleur, ce ne sont pas tes richesses, ce ne sont pas tes vêtements, ce n'est pas la marque de tes vêtements, ni la marque de tes baskets qui vont t'honorer et te distinguer auprès d'Allah Azza wa Jalla, mais ta taqwa, ta piété. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a donné en exemple l'homme qui a des cheveux tout ébouriffés et qui est couvert de poussière et qui est refoulé aux portes, c'est-à-dire que s'il veut se rendre quelque part, on ne le laisse pas rentrer, on le refoule. Eh bien, il a dit « لو أقسم على الله لأبرره » Si cette personne-là, tout ébouriffée, aux cheveux tout ébouriffés, qui est couvert de poussière, qui est refoulé aux portes, demandait quelque chose à Allah, eh bien, Allah Azza wa Jal lui accorderait. Ce hadith-là est rapporté par Muslim. Donc, cette personne-là n'a pas de valeur auprès des gens, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, si. Et Allah Azza wa Jal nous dit, « Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin. » Allah Azza wa Jal nous dit de ne pas nous moquer les uns des autres. Pourquoi ? Il se peut que ces gens-là soient meilleurs que nous. Donc, il ne faut pas se moquer. Et il faut faire très attention à la moquerie, car certaines formes de moquerie peuvent faire sortir de l'islam. Et il faut dire à ces enfants, qui nous a accordé tous ces biens-là ? C'est Allah Azza wa Jal. Qui a privé ces gens-là ? C'est-à-dire les pauvres, c'est Allah. Eh bien, il faut dire à l'enfant, eh bien, Allah Azza wa Jal peut faire disparaître tous ces bienfaits qu'on a. Donc, il faut remercier Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits et lui demander d'être préservé et ne pas se moquer. La cinquième erreur est le fait d'éduquer les filles à donner trop d'importance à leur apparence. Souvent, les pères confient l'éducation de leurs filles à leur mère et leur mère va les éduquer de la même façon dont elle a été elle-même éduquée. Si c'est une bonne façon, tant mieux. Sinon, ce sera problématique. Et les filles peuvent se faire influencer. avec la société, avec les fréquentations de nos jours, avec les réseaux sociaux et autres, eh bien, en voyant par exemple la façon de se coiffer des autres, de s'habiller et autres, eh bien, ça va les pousser à accorder beaucoup d'importance à leur apparence. Donc cette fille va passer beaucoup de temps devant son miroir, son téléphone ou autre. Elle va passer des heures, mais elle va passer malheureusement très peu de temps à apprendre son dîn. Combien de filles vertueuses suivent la voie prophétique dans leur façon de se vêtir et leur apparence? Combien de filles apprennent et mettent en pratique correctement leur dîn? Combien de sœurs font partager ce ilm, cette science, aux autres? Elles sont bien peu par rapport à leur nombre. Et également, cette influence va pousser beaucoup de filles musulmanes à imiter les mécréantes, que ce soit dans leur apparence, leur façon de se vêtir, de se comporter ou autre. Or, on se doit de se distinguer des mécréants. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui imite un peuple en fait partie. Ce hadith est rapporté par Abu Dawud. Donc il ne faut pas imiter ces femmes-là qui n'ont pas de pudeur, qui s'habillent de façon indécente, qui sont vulgaires et autres. Il faut que les filles de la communauté se préoccupent de la rencontre avec leur Seigneur. Elles doivent prendre comme modèle les salihates, les vertueuses de cette communauté-là. La sixième erreur est le fait de ne pas laisser les jeunes se mêler aux adultes. Certains parents apprennent à leurs enfants à ne pas se mêler aux adultes. Or, cela est une erreur, car l'enfant va ignorer le comportement des adultes. Il faut le laisser parfois se mêler aux adultes. Si on le laisse se mêler aux adultes parfois, eh bien, il sera plus mûr. Car si on abandonne les enfants toujours entre eux, ils apprennent toujours les mêmes choses. Et sachez que l'enfant est comme une éponge. Il s'imprègne de ce qu'il voit autour de lui. Donc si on le laisse fréquenter les adultes, eh bien, il va voir leur façon d'agir et de se comporter là. Et également, ce n'est pas la façon de faire qui est parvenue d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons. C'est plutôt le contraire. En effet, à l'époque, eh bien, ils amenaient les enfants au masjid pour assister aux salat et également aux assises de science. Et on a plusieurs preuves à ce sujet-là. Par exemple, on a ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Alors, dans ce hadith, Abdullah qui est le fils de Omar, radiallahu anhu. Alors, Abdullah était jeune à l'époque. Eh bien, une fois, ils étaient avec certains compagnons et le prophète, alayhi salatu wassalam, a posé cette question-là. Il a dit, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble aux croyants. Donc, certains compagnons ont pensé à des arbres du désert. Et Abdullah a pensé que c'était un nakhla, le palmier, mais il n'a pas osé prendre la parole. Puis, le prophète a donné la réponse, il a dit que c'était un nakhla. Et lorsqu'il est sorti, eh bien, Abdullah a dit à son père, Omar, il lui a dit qu'il savait et qu'il pensait que c'était un nakhla, le palmier, mais il n'a pas osé prendre la parole. Et Omar lui dit, si tu avais dit que c'était le palmier, cela m'aurait fait plus de plaisir que telle ou telle chose. Donc cela indique bien que les jeunes se mêlaient aux adultes à leur époque. Et également pour la salat, il est parvenu par exemple que le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, al-Hassan ou al-Hussein, montait sur son dos pendant la salat. Donc le prophète restait longtemps en prosternation pour ne pas brusquer l'enfant. Il attendait que l'enfant descende de son dos. Donc il ne faut pas faire comme ceux qui interdisent aux petits de se rendre au masjid. Cela est une erreur. Il faut les laisser s'habituer au lieu de ibad, d'adoration et de science. Par contre, si l'enfant doit se mêler aux adultes, il faut lui apprendre comment se comporter. Par exemple, à passer le salam aux invités en entrant, lui dire où s'asseoir, de ne pas être perturbant, d'être propre et autres. Et laisse ton enfant répondre, même s'il se trompe. Beaucoup de parents ne cessent de répéter des phrases qui peuvent rabaisser l'enfant. Tu es un enfant, tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Laisse l'enfant répondre. Qui d'entre nous ne se trompe pas? La septième erreur est in'idam al-qudwa, l'absence de modèle authentique. Si les parents ne montrent pas le modèle à suivre, sachez que c'est l'entourage et l'environnement de l'enfant qui vont se charger de cela. Et les enfants vont prendre d'autres modèles, que ce soit des stars, des acteurs, des chanteurs, des rappeurs ou autres. Des modèles qui sont en général des débauchés, des kuffars, des mécréants qui pervertissent la jeunesse. Et parmi les erreurs est que le parent peut ancrer dans le cœur de l'enfant l'amour pour ces gens-là, même si le parent ne s'en rend pas compte. Donc par exemple, on va donner un exemple. Par exemple, si le parent chante une chanson d'un chanteur, d'un rappeur, Or, vous savez par exemple que les rappeurs sont souvent vulgaires et grossiers, ils insultent les gens. Or, le prophète, alayhi salatu wasalam, lam yakun an-nabi alayhi salatu wasalam fahishan wa la mutafahishan. Le prophète n'était ni grossier ni vulgaire, comme rapporté dans ce hadith d'Al-Bukhari. Et ces gens-là sont en général remplis de tatouages. Or, le prophète alayhi salatu wasalam a dit dans ce hadith rapporté par le Bukhari, la'anallahu al-washimat wal-mustawshimat. Allah maudit ceux qui font des tatouages et ceux qui se font tatouer. Donc ces gens-là ne sont pas des modèles à suivre. Donc si le parent chante la chanson par exemple de ce rappeur-là, il est en train d'ancrer dans le cœur de son enfant l'amour pour cette personne-là qui est fasiqa, qui est débauchée. Ou si le parent offre à son enfant le maillot d'un joueur de foot mécréant, ce joueur peut porter une croix, il peut avoir des tatouages de croix, il peut se signer en entrant sur le terrain, eh bien en faisant cela, le parent ancre dans le cœur de son enfant l'amour et l'admiration pour ce kafir. Et le mode de vie et l'apparence de ces jeunes vont changer à chaque fois en fonction de la mode de celui qui leur sert de modèle. Prenez par exemple les coupes des footballeurs. Dès qu'un footballeur change de coupe, le lendemain les jeunes vont au coiffeur et demandent la même coupe. Ils disent « je veux la coupe de tel ou tel footballeur ». Et sachez que certaines coupes sont réprouvées. Par exemple, le prophète alayhi salatu wasalam, a réprouvé le qaza'. Qaza', c'est le fait de se raser une partie de la tête et de laisser une autre partie. Comme rapporté par Al-Bukhari Muslim, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al-qaza'. Il a dit dans un autre hadith, ihliquhu kulla aw itrukuhu kulla. Si vous le voulez, eh bien, rasez toute la tête. Il est permis de se raser toute la tête. Ou sinon, eh bien, il faut laisser les cheveux. Ce hadith-là est rapporté par Abu Dawud. Et ici, on va lire des propos très importants de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre « Iqtida Sirat al-Mustaqim ». Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit « Al-mushabahatu fi zahir tourithu mawadda wa mahabba wa muwalat fi al-batin ». Il a dit que la ressemblance externe engendre un amour interne. Donc, si la personne a une ressemblance externe avec un autre, eh bien, cela engendre un amour interne, un amour dans le cœur, une affection et un penchant vers cette autre personne-là. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. Tout comme l'amour interne engendre la ressemblance externe. Donc, si la personne veut ressembler extérieurement à quelqu'un, cela va engendrer un amour interne pour cette personne-là. On ne va pas chercher à ressembler à quelqu'un que l'on déteste. Et si tu aimes quelqu'un, tu l'admires, cela va te pousser à lui ressembler. Donc fais très attention à qui tu veux ressembler. Si tu aimes le prophète, alayhi salatu wasalam, tu vas chercher à lui ressembler, aussi bien en apparence que dans son comportement. Si tu aimes les vertueuses, les femmes du prophète, alayhi salatu wasalam, tu chercheras à leur ressembler. Par contre, si tu imites les fasiqoun ou les fasiqat, les pervers et les perverses, eh bien, cela indique un amour de ton cœur interne pour ces personnes-là, a'yadhan billah. Donc, il faut faire très attention. Et il faut apprendre aux enfants à être fiers de leur dîn. Qu'Allah Azza wa Jal agrée. Wa raditu lakum al-islam adina. Il faut leur apprendre à s'y accrocher aussi bien de façon externe qu'interne et leur enseigner que la suprématie réside dans le suivi du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Walillahi al-izzatu wa li rasuli. Et il faut leur apprendre les vrais modèles de piété à suivre que sont le prophète alayhi salatu wasalam, les sahaba et les femmes du prophète, les sahabiyat. Donc ce sont eux les vrais modèles de piété et de noblesse de caractère. Et tout comme les parents choisissent pour leur enfant une bonne nourriture, de beaux vêtements, un lieu d'enseignement de qualité et autres, eh bien, il faut veiller à ce que l'enfant ait de bonnes fréquentations. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam, a comparé la bonne et la mauvaise fréquentation aux porteurs de musc et aux forgerons. Si tu côtoies une personne qui vend du musc, eh bien, soit elle va t'en offrir, soit elle va t'en vendre, ou au minimum, tu rentreras à la maison avec une odeur agréable, une odeur de musc. Mais si tu côtoies un forgeron, soit il va te brûler tes vêtements, ou au minimum, tu sentiras l'odeur du brûlé. Donc, il faut faire très attention à ces fréquentations. Un parent pourrait dire, oui, mais moi, mon enfant ne sort pas. On dit à ce parent-là, oui, mais il y a un jaloux, il y a un compagnon qui est à la maison. Et ce compagnon-là est le téléphone. Et il tient compagnie à ton enfant. Et ce téléphone-là, s'il est mal utilisé, peut être la cause de la perversion de ton enfant. Donc n'hésite pas, cherche, fouille dans le téléphone. Comment utilise ton enfant ce téléphone-là? Sinon, cela risque d'être la cause de la perversion de ton enfant. La huitième erreur dans l'éducation des enfants est le fait d'être trop rude et violent. Sachez qu'il faut être doux et bienfaisant envers les enfants. Une fois, le prophète, alayhi salatu wasalam, a embrassé Al-Hassan, qui est le fils de Ali. Et un homme qui s'appelle Al-Qara l'a vu. Et il lui a dit, j'ai 10 enfants et je n'ai jamais embrassé l'un de mes enfants. Le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a regardé et a dit, Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, eh bien, on ne lui fera pas miséricorde. Cette personne-là ne mérite pas qu'on lui fasse miséricorde. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Donc, il faut être doux et bienfaisant. Or, certains pensent que le fait de taper est l'un des meilleurs moyens pour éduquer et faire ressentir la crainte de l'éducateur. Or, cela est une erreur, car il y a d'autres moyens à employer. On peut discuter avec l'enfant, lui faire comprendre les choses, lui donner envie de faire telle chose ou de s'écarter de telle chose. On peut également utiliser des moyens de pression, par exemple en le punissant. Et sachez que frapper n'est pas une marque de force. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, Laysa shadidu bis-sur'a. Il a dit que shadid, le fort, n'est pas celui qui domine ses adversaires. Il a dit que le fort est celui qui sait dominer sa colère. Donc le fort est celui qui sait dominer sa colère. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est une force intérieure. Et souvenez-vous que souvent, lorsque le parent frappe son enfant, eh bien, il le regrette par la suite. Et cela laisse des traces, cela rabaisse l'enfant. Et il faut suivre l'exemple du prophète, alayhi salatu wasalam, dans toutes choses. Par exemple, Soulaym a envoyé son enfant Anas au service du prophète, alayhi salatu wasalam, pendant 10 ans. Quand elle l'a envoyé, il avait à peu près 10 ans. Et donc, Anas est resté au service du prophète pendant 10 ans, et jamais le prophète, alayhi salatu wasalam, ne lui a fait de reproche. Et parmi les erreurs également, est le fait de se précipiter. Il faut chercher à comprendre les choses et ne pas se précipiter. On va donner un exemple. Il se peut que le père revienne à la maison et voit quelque chose qui lui semble être une bêtise. Et il va dire qui a fait cela et il va punir aussitôt. Alors que peut-être l'enfant a voulu faire une bonne chose, mais s'y est mal pris. Le père n'aurait pas dû dire qui a fait cela et punir immédiatement. Il aurait dû poser cette question-là. Pourquoi as-tu fait cela? Chercher à comprendre. Et si c'est le fruit de l'effort de l'enfant, il le remercie, il le récompense même et lui indique la meilleure façon de procéder pour ne pas renouveler d'erreur la prochaine fois. Et il faut utiliser rifq, la clémence. Il faut être clément envers nos enfants. Qala an-nabi alayhi salatu wasalam, inna Allah rafiq yuhibbu rifq. Allah est rafiq, yuhibbu rifq. Il aime la douceur et la clémence. Ce hadith est rapporté par Muslim. Et celui qui éduque doit montrer à l'enfant qu'il l'aime et ne doit pas se suffire de mots. Cela doit se traduire en actes qui vont lui donner un sentiment d'affection. Si l'enfant grandit avec l'amour de ses parents, eh bien, il va les aimer et cela va faciliter leur suivi et leur obéissance. Quant au fait de taper, cela doit être le dernier recours à employer, après avoir tenté les autres moyens, si ceux-là n'ont pas fonctionné. Donc le parent le frappe, mais de façon légère, sans le blesser, juste pour le dissuader et lui faire peur de recommencer une autre fois. Et ce qui indique cela est que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Allimu sabi salat ibn 7 sinin. Il a dit d'enseigner aux enfants la salat à 7 ans. Wadaribu alayhi ibn 10. Et de les corriger à l'âge de 10 ans s'ils négligent la salat. Et on a posé cette question-là à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Est-il permis de frapper un enfant s'il fait une erreur quand il est jeune? Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu, Na'am. Idha kana at-tifl yata'addab bid-darb وَلَمْ يَكُنْ بُدْمِنْ فَلَا بَأْسْ بِهِ. Il a dit, oui, cela est permis. Si l'enfant se discipline de cette manière-là et que cela est nécessaire, alors il n'y a pas de mal. Par contre, il a bien précisé qu'il ne faut pas le frapper, le taper de façon brutale, ni au visage. Et enfin, la dernière erreur est la fauda, c'est-à-dire le manque d'organisation. Sachez qu'il faut apprendre à l'enfant à être organisé, premièrement dans son temps. Il faut apprendre à l'enfant qu'il y a un temps pour tout, sinon les droits ne sont plus respectés. Il faut lui apprendre qu'il y a un temps, par exemple, pour étudier, un temps pour manger, un temps pour aider, un temps pour rester avec sa famille. Car malheureusement, certains jeunes s'enferment dans leur chambre sur leur téléphone et n'apparaissent dans la cuisine qu'à l'heure de manger. Ils viennent manger et ils partent, ils ne daignent même pas débarrasser la table. Donc cela est une erreur. Les jeunes doivent aider et également, ils doivent avoir un temps pour rester avec leur famille. Également, il faut leur apprendre à être organisés dans leurs priorités. Il faut apprendre à l'enfant qu'il y a certaines choses qui passent avant d'autres. Et il faut commencer par le plus important. Donc par exemple, si l'enfant veut jouer et que c'est l'heure de la salat, eh bien, il fait sa salat et après il joue. Ou si l'enfant veut jouer et que la maison est en désordre, eh bien, il aide, il participe avec ses parents dans le rangement de la maison, puis il accomplit la salat. Donc l'enfant doit se sentir concerné. Si on n'implique pas l'enfant lorsqu'il est jeune, eh bien, lorsqu'il va grandir, il risque de ne pas se sentir concerné. Et également, l'enfant doit être organisé dans ses affaires. Si l'enfant est désordonné, eh bien, cela risque, je dis bien cela risque, de le suivre toute sa vie. Donc le parent doit lui montrer lui-même l'exemple. Il doit lui montrer, par exemple, comment faire son lit, comment ranger ses affaires, comment débarrasser la table. Car malheureusement, comme on l'a dit, certains ne se sentent pas du tout concernés. Ils n'ont aucune responsabilité. Ils partent tous les jours et ne daignent même pas faire leur lit. Certains vont dire oui, mais ils n'ont pas le temps. On va dire non, même le week-end. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas habitués à cela. Ou ils viennent manger et ils ne daignent même pas débarrasser la table. Et cela est une erreur. Le parent a sa part de faute. Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas habitué à cela. Mais l'enfant doit se corriger. Il doit prendre conscience qu'il doit faire cela et qu'il doit participer, qu'il doit aider ses parents. Il doit aider sa mère. Ta mère vieillit, elle prend de l'âge, elle n'a plus la force qu'elle avait auparavant. Donc aide-la et tu seras récompensé. Donc il faut participer, il faut se sentir concerné, il faut aider dans les tâches ménagères. Également dans les dépenses, certains enfants deviennent adultes et ont une entrée d'argent. Donc s'ils le peuvent, eh bien qu'ils participent aux dépenses de la maison, qu'ils rapportent certaines choses à la maison, rapportent de la nourriture à la maison. Tu verras que cela va faire plaisir à tes parents. Même si ta mère te dit non, ne ramène rien. Non, ne lui demande pas son avis. Ramène des pâtisseries, ramène quelque chose, même des petits cadeaux, tu verras que cela va faire beaucoup de plaisir à tes parents. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Tahada wa tahabbo ». Le prophète a dit de nous faire des cadeaux entre nous, car cela renforce les liens d'amour. Donc voilà, gardez en tête que tout ce que les enfants font envers les parents, c'est-à-dire les enfants qui ont atteint les signes de la puberté, eh bien, même si la chose paraît insignifiante à nos yeux, eh bien, ces choses-là sont consignées. Donc, que ce soit un geste affectueux, un sourire, une aide, un cadeau, ou au contraire un soupir ou une mauvaise parole, tout cela est consigné. Donc, il faut agir de la meilleure des façons. Il faut chercher à se corriger en agissant de la meilleure des manières pour ne pas avoir de regrets. Donc, voilà. Il y a d'autres erreurs dans l'éducation, mais on se suffit de cela. Nasallallahu an yuslihana wa yusliha abna'ana wa abna al-muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.